Chapitre 6 Des essais de Montaigne Livre 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane Essai par Michel Ekem de Montaigne Livre 1 Chapitre 6 L'heure des parlements dangereuses Toutefois, je vis dernièrement, en mon voisinage de Mussidan, que ceux qui en furent délogés à force par notre armée, et autres de leur parti, criaient comme de trahison, de ce que, pendant les entremises d'accord et le traité se continuant encore, on les avait surpris et mis en pièces. Chose qui eut à l'aventure apparence en notre siècle. Mais, comme je viens de dire, nos façons sont entièrement éloignées de ces règles, et ne se doit attendre fiance des uns aux autres que le dernier sceau d'obligation n'y soit passé. Encore y a-t-il alors assez à faire. Et a toujours été conseil hasardeux de fier à la licence d'une armée victorieuse l'observation de la loi qu'on a donnée à une ville qui vient de se rendre par douce et favorable composition et d'en laisser sur la chaude l'entrée libre aux soldats. Lucius Emilius Régilius, prêteur romain, ayant perdu son temps à essayer de prendre la ville de Fossé à force pour la singulière prouesse des habitants à se bien défendre, fit pache avec eux, de les recevoir pour amis du peuple romain et d'y entrer comme en ville confédérée, leur ôtant toute crainte d'action hostile. Mais y ayant quand, et lui, introduit son armée, pour s'y faire voir en plus de pompe, il ne fut en sa puissance, quelque effort qu'il y employa, de tenir la bride à ses gens, et vit devant ses yeux fourrager bonne partie de la ville, les droits de l'avarice et de la vengeance, supéditant ceux de son autorité et de la discipline militaire. Cléomène disait que quelque mal qu'on puisse faire aux ennemis en guerre, cela était par-dessus la justice, et non sujet à y celle, tant envers les dieux qu'envers les hommes. Et ayant fait trêve avec les Argiens pour ces jours, la troisième nuit après, il les alla charger tous endormis, et les défit, alléguant qu'en sa trêve, il n'avait pas été parlé des nuits. Mais les dieux vengèrent cette perfide subtilité. Pendant le parlement, et qu'ils musaient sur leur sûreté, la ville de Casilinum fut saisie par surprise, et cela pourtant au siècle et des plus justes capitaines et de la plus parfaite milice romaine. Car il n'est pas dit qu'en temps et lieu, il ne soit permis de nous prévaloir de la sottise de nos ennemis, comme nous faisons de leur lâcheté. Et certes la guerre a naturellement beaucoup de privilèges raisonnables au préjudice de la raison. Et ici faut la règle, neminem it agere, ut ex alterius praedetur incitia. Mais je m'étonne de l'étendue que Xénophon leur donne, et par les propos, et par divers exploits de son parfait empereur, auteur de merveilleux poids, en telle chose, comme grand capitaine et philosophe des premiers disciples de Socrate, et ne consent pas à la mesure de sa dispense en tout et partout. Monsieur d'Aubigny, assiégeant Capoue, et après y avoir fait une furieuse batterie, le seigneur Fabrice Colonne, capitaine de la ville, ayant commencé à parlementer de dessus un bastion, et ses gens faisant plus molle garde, les nôtres s'en emparèrent, et mirent tout en pièces. Et de plus fraîche mémoire à Ivoix, le seigneur Julien Romero, ayant fait ce pas de clerc de sortir pour parlementer avec monsieur le connétable, trouva au retour sa place saisie. Mais afin que nous ne nous en allions pas sans revanche, le marquis de Pesquère, assiégeant Gênes, où le duc Octavian Frégose commandait sous notre protection, et l'accord entre eux ayant été poussé si avant, qu'on le tenait pour fait, sur le point de la conclusion, les Espagnols, s'étant coulés dedans, en usèrent comme en une victoire plénière. Et depuis, à Ligny-en-Barrois, où le comte de Brienne commandait, l'empereur l'ayant assiégé en personne, et Bertville, lieutenant du dit comte, étant sorti pour parlementer, pendant le parlement, la ville se trouvait saisie. Fuil vincer sempre mai laudabil causa, vincasi o per fortuna o per ingenio, disent-ils. Mais le philosophe Chrysippus n'eût pas été de cet avis, et moi aussi peu, car il disait que ceux qui courent à l'envie doivent bien employer toutes leurs forces à la vitesse. mais il ne leur est pourtant aucunement loisible de mettre la main sur leur adversaire pour l'arrêter, ni de lui tendre la jambe pour le faire choir. Et plus généralement encore, ce grand Alexandre, à Polypercon, qui lui suadait de se servir de l'avantage que l'obscurité de la nuit lui donnait pour assaillir Darius. « Point, dit-il, ce n'est pas à moi de chercher les victoires dérobées. Malo me fortune poeniteat, quam victorie pudeat. Atque idem fugientem, aud est dignatus orodem, sternere net iacta, caecum dare cuspide, vulnus ob huios adversoque, occurit, seque viro vir, contulit haut fortu melior, sed fortibus armis. » Fin du chapitre 6.